Chapitre 17. Dieu vous bénisse. Mes yeux interrogèrent Madame la Vicomtesse, mais après m'avoir remis le livre d'heures, elle s'était agenouillée et semblait prier dévotement. Je dois dire que les dames de Vitré paraissaient aujourd'hui partagées entre leur piété habituelle et un curieux besoin de regarder notre banc. Les étrangers n'abondent pas dans cette vieille et noble ville. Beaucoup de jolis yeux louchaient en suivant l'ordinaire de la messe. Je me demandais si c'était moi qui semais la distraction dans l'église ou si cette distraction avait pour objet principal les maîtres du banc où je recevais l'hospitalité. Ni monsieur le vicomte, ni madame la vicomtesse n'avaient la tournure vitréenne. Ce dernier mot est de style archi-pur. On ne l'emploie qu'à l'Académie française de Vitré. Dans l'usage, c'est vitrier, vitriaise, qui doit être prononcé vitrias, vitrias. Je l'ai déjà dit, quoique je ne connusse pas du tout Paris, je sentais d'instinct que ces gens étaient de Paris. Mais pourquoi avait-il un banc parmi ceux des bourgeois de Vitré? Et qu'était-il? La femme venait de m'engager à me défier de son mari. Était-ce pour cela que la vicomtesse m'avait convoqué à la grand-messe au moyen du mystérieux billet? Ou bien devais-je chercher le motif de son appel dans cette autre parole si étrange? Votre fortune est à deux pas de vous? Là, de l'autre côté de mon gros voisin, ma fortune? Sous quelle forme? Je la désirais ardemment, la fortune, mais jusqu'à présent, c'était pour la partager avec ma chère petite Viviane. Les cœurs ne sont pas tous de la même capacité. Il y en a de très profonds et de très larges. Je n'ai pas à me plaindre du mien, il est de la bonne taille. Je l'ai vu contenir 5 ou 6 affections à la fois. Je dis des affections sincères. Je n'ajoute pas, bien entendu, qu'elles fussent tout à fait du même genre. Ainsi, je n'étonnerai personne en avouant que d'ores et déjà, cette charmante vicomtesse avait dans mon cœur une bonne petite place. Je l'avais vue la veille pour la première fois, mais je la sentais mon amie, ma maîtresse, si ce gros mot est autorisé par l'innocence de nos relations. Vivette était ma femme. L'autre, car je devinais encore une femme derrière l'immense bourgeois de Vitré, dont les coudes obèses envahissaient mon banc, l'autre était ma fortune. Catiche le disait, ce devait être vrai. Voilà une affaire réglée. Les gens qui sont appelés à bien connaître le monde commencent par le deviner un peu, c'est certain. Pour moi, il y avait de l'aventurière dans Catiche. Loin de m'arrêter, ce vague soupçon attirait mon caprice. Elle me plaisait juste comme elle était. Je lui savais gré d'entraîner mes premiers pas vers un roman qui sortait de la route battue. Et je ne saurais exprimer jusqu'à quel point je me fiais à la bizarre et subite tendresse qui l'attirait évidemment vers moi. Toutes mes pensées partaient de cet axiome que nous étions, Catiche et moi, des alliés nécessaires, et que notre ligue, vieille comme le monde, était indissolublement nouée envers et contre tous. Ainsi agenouillée, elle était délicieusement belle. Sa taille souple avait des grâces infinies, et rien n'était plus harmonieux que les lignes de son profil, demi-voilées par la fauve richesse de ses cheveux. Je me gênais bien un peu pour la regarder, car j'avais surpris monsieur le vicomte dardant sur moi des œillades assez équivoques. C'était vraiment un fort joli homme, élégant de prestance, un peu fier de tenue, et qui pouvait passer pour le contraire exact d'un bourgeois. Mais, à part même l'avertissement de Catiche, il y avait en lui quelque chose qui bridait ma sympathie. Quoi? Je n'aurais pas su l'exprimer alors. Le vice laisse après soi plusieurs sortes de traces, et la dégradation ne se trahit pas toujours par les mêmes symptômes. Il y en a d'ignobles qui sautent aux yeux, d'autres échappent à l'analyse, mais l'instinct les saisit, et rien n'est clairvoyant comme l'œil d'un naïf pour distinguer ces taches moins marquées. Mais le vicomte, mais Catiche elle-même, n'était pas ma vraie préoccupation. Je guettais avec une impatience infatigable le corps obèse de mon voisin pour saisir une occasion de voir au travers, selon l'expression hardie de Catiche. Était-elle jolie, ma fortune, ou laide, vieille ou jeune? J'ai peur de vous faire rire, mais je l'aimais déjà, ou bien peu s'en fallait. Ne connaissant que Vivette et Catiche, je me la représentais entre les deux, plus blonde de teint et de cheveux, plus frêle aussi, surtout plus sérieuse. Quand Joson Menou éternuait, c'était un terrible scandale. Il secouait les vitres. Vers le milieu de la messe, Joson, qui avait probablement trop chaud dans ses bottes, fit tout à coup explosion. La première clameur de son cerveau mit un trouble dans l'église. Cela commençait en hennissement, pour finir sur une note mugissante et véritablement triomphale. Beaucoup de têtes se retournèrent. On ne savait pas ce que c'était. Vitriaz et Vitriaz voulaient voir quelle sorte d'animal s'était introduit dans le saint lieu. Joson Menou, qui était un très bon chrétien et qui redoutait sa propre sonorité, voulut se retenir, mais mieux en bourre un canon, plus fort il détonne. Le second éternuement éclata comme un Vésuve, faisant taire le serpent et les chantres. Chacun a son nombre voulu. Joson ne s'y mettait jamais sans aller jusqu'à 12. Au 10e, Vitré stupéfait tournait le dos à l'autel. Au 11e, les doigts du clergé s'agitèrent, dessinant involontairement des signes d'exorcisme. Au 12e, mon énorme voisin, Monsieur Védou de Pelédou, vira de bord en soufflant comme une baleine. Catiche me toucha le coude. Je n'avais pas besoin de cet avertissement. Monsieur Védou de Pelédou, fatigué de l'évolution qu'il venait de faire, s'accoudait au dossier de son banc comme à un balcon et jouissait du spectacle offert par Joson, lequel, ayant parfait son ombre, pleurait à chaudes larmes et s'essuyait avec ses manches. Mon regard passa par-dessus le dos monstrueux de mon voisin et je vis ma fortune. Elle était la seule qui ne se fût point retournée au scandaleux excès de Joson Menou. Elle priait, agenouillée, la tête penchée légèrement au-dessus de ses mains jointes. Il n'y avait rien sur son pâle visage, sinon le recueillement de l'âme qui parle à Dieu. C'était presque une enfant, un ange bien plus encore qu'une sainte. Elle portait le deuil. Ses belles mains longues, blanches et presque diaphanes étaient d'une convalescente. Sous son voile noir, ses cheveux d'un blond perlé chatoyaient discrètement. Un rayon doux jaillissait de ses paupières à demi fermées. Et, sur la pâleur exquise de sa joue, une larme, cher diamant où le reflet des vitraux mettait des nuances roses et azurées, descendait avec lenteur. J'étais trop neuf. Je n'aurais pu exprimer à quel point la beauté de cette Vierge m'apparaissait suave et presque divine. Maintenant, je suis trop vieux. Je ne le saurais plus dire. Hermine, rêve triste et pieux, doux rayon qui éclaira, comme un regard du ciel, les pauvres tourments de ma jeunesse. Je ne la vis qu'un instant, mais je la revois toujours telle qu'elle était ainsi, agenouillée et priant avec un calme séraphique. Cet instant si court laissa dans la mémoire de mon cœur une trace qui jamais ne sera effacée. « Comment la trouvez-vous ? » me demanda Catiche au moment où mon immense voisin s'y reprenait par 3 fois pour détacher ses coudes de la balustrade. Je tournai mes yeux vers elle et je ne répondis point. « C'est bien, » dit-elle, « je ne suis pas fâchée d'avoir joué ce tour-là à la petite basse bretonne là-bas. »« Oh, j'aime toujours ma Viviane, » fis-je en rougissant. Elle se mit à rire. « À bon ordinaire, » murmura-t-elle, « quand il y a pour deux, on peut dîner 3. » Ses yeux noirs étaient en vérité splendides. Elle ajouta, « Chevalier, je parie que vous m'adorez aussi un petit peu. » Je ne sais pas ce que mon regard lui répondit, Elle rougit à son tour. En ce moment, une haute et intelligible voix s'éleva aux environs de la porte, disant avec un calme plein d'autorité « Ne faut point mépriser ce qui éternue. Ça vient quand ça veut, et je ne suis brin fautif. Si un quelqu'un veut me faire du chagrin, je vais l'arranger sur la place, dehors, après la messe. Nom d'un petit bon Dieu vous bénisse !» C'était encore Joson-Menou. Pour le coup, ma céleste vision tressaillit légèrement et ouvrit ses grands yeux qui étaient d'un bleu franc et profond. Il y eut dans l'église un mouvement presque tumultueux, dont Catiche profita pour me dire rapidement et très bas « Elle a 16 ans, elle est orpheline, elle se nomme Hermine de Bois-le-Roi, c'est la plus riche héritière du pays. Un grand danger la menace, elle porte le deuil de son fiancé qui a été assassiné la semaine dernière. Elle va partir aujourd'hui même pour... » Ici, Madame la Vicomtesse s'interrompt brusquement. Je suppose que l'apôtre Saint-Pierre lui avait pincé le bras ou donné tout autre avertissement amical. Ce gentilhomme cligna de l'œil à mon adresse et murmura « Après la messe, après la messe !» Catiche s'était remise à genoux. Moi, mon cœur battait à tout rompre. Je ne prétends pas qu'il faille beaucoup de choses pour le mettre en danse, ce pauvre cœur qui m'a joué tant de niches en ma vie. Mais ici, du moins, on conviendra qu'il avait un motif raisonnable de se démener. J'aurais donné une bonne part de mes louis d'or pour darder un second regard à cet adorable enfant qui, à 16 ans, était orpheline et veuve. Impossible. Le colossal bourgeois de Vitré avait reconquis sa position. Cet écran valait une montagne. Un grand danger la menace. Ses paroles restaient autour de mon oreille. Vertu bleue, mon épée était vierge, mais je la sentais qui se trémoussait dans son fourreau. Catiche avait dit encore, c'est la plus riche héritière du pays. Eh bien, vrai, ce n'était pas à cela que je songeais. Il y avait Vivette. Mais Vivette n'allait-elle pas être la femme d'un autre ? Ah, je ne peux pas me vanter d'avoir attentivement suivi cette grand-messe, la seule que j'ai entendue en la bonne ville de Vitré. Aujourd'hui même, elle va partir pour... Pour où ? Monsieur de Saint-Pierre nous guettait désormais, Catiche et moi. Comment savoir ?